Chapitre 21e. La vie recommença pour les jeunes gens semblable à celle de l'hiver dernier, avec beaucoup de travail en plus et quelques douceurs en moins. Victor chez son luthier le jour, et près de Benjamin Roussoff jusqu'à 9h. Demian au conservatoire le matin, donnant des leçons particulières l'après-midi, et s'escrimant tout seul comme un possédé sur son violon le soir en attendant son frère. André leur avait arraché l'aveu de leur déconvenue dans la maison paternelle, et c'est avec un sourire bénévolent qu'il écouta les doléances de Victor. « Tu te figurais, lui dit-il, qu'on te saurait gré de ta générosité. Erreur, mon bon ami. Je ne sais pas pourquoi l'on parle de sacrifices inutiles. L'essence même du sacrifice est d'être inutile. C'est pourquoi, quand on fait de ces sortes de choses, il ne faut pas les parer de nom de sacrifice, parce qu'alors on veut de la reconnaissance, ce qui est une prétention totalement ridicule. Il faut leur donner leur véritable nom, le devoir. Sous cette dénomination, ils ne demandent rien à personne et l'on est content de les avoir produits au monde. » Cette maxime était l'une de celles qu'André mettait en pratique et nos amis eurent plus d'une fois l'occasion de s'en apercevoir. Ils eurent des moments pénibles à passer, mais leur allègre trinité supporta les plus mauvais jours avec une sérénité de bon aloi. 2 années s'écoulèrent de la sorte. Demian faisait de rapides progrès. Son professeur ne se moquait plus de lui et le donnait en exemple aux autres quand il n'était pas là. Cependant, il n'avait pas voulu lui procurer beaucoup de leçons particulières, ce qu'il eût pu faire très facilement. Cet homme bizarre prétendait que si mourir de faim est une chose contraire au développement de l'artiste, sentir de temps en temps une petite crampe d'estomac est un bon stimulant pour le génie. Demian arriva au bout de la seconde année d'études sans se douter qu'il possédait un talent hors ligne. Quelques jours avant l'examen final, son professeur Verlemine lui remit un de ses violons. « Tu ne peux pas jouer à l'examen sur ton crin-crin, » lui dit-il. « Essaye un peu ce que tu pourras faire de celui-là. » Demian, dans un ravissement sans bornes, se familiarisa pendant 8 jours avec le nouvel instrument, et le jour de l'examen venu, c'est presque avec assurance qu'il se présenta devant le public choisi qui assiste à ses solennités intimes. Comme il saluait les chaises, celles du premier rang ne se remplissent que sur le tard, et malgré son bel aplomb, beau pour un débutant, mais fort imparfait s'il se fût agi d'un autre, notre ami ne voyait pas plus loin que la 3e rangée. Une dame, la seule, qui occupait un fauteuil de premier rang, assit carrément son lorgnon sur son nez et le contempla comme s'il eût été l'Apollon du Belvédère, en marbre, au lieu d'être Demian Markov en chair et en os, et même en fluide plus ou moins magnétique, dont quelques-uns sortaient par ses yeux troublés, qui paraissaient ivres d'orgueil ou de joie. Il était ivre en réalité, ivre de son triomphe assuré et de l'avenir qu'il voyait poindre, quand il commença la polonaise de Wieniawski, la même qui lui avait valu la faveur d'être écouté par Verlemine. Il se sentait jeune, plein de défauts et de fautes, bourré d'inexpérience, et cependant, il croyait n'avoir qu'à frapper la terre du pied comme hanté pour bondir plein de force dans l'arène de la vie et défier les plus fiers lutteurs. Il jouait avec une animation que 10 ans plus tard il eût trouvée de mauvais goût, et son visage, mobile à l'excès, exprimait 1000 choses diverses et confuses. Pendant qu'un frémissement de satisfaction courait dans l'auditoire, expert en audition de ce genre, la dame avait laissé tomber son lorgnon, sans pour cela baisser son regard, et l'examinait à l'œil nu le jeune violoniste avec la même aisance que tout à l'heure, à l'abri de son lorgnon. Seulement, pour mieux le voir, elle clignait légèrement de l'œil droit, que par une anomalie elle avait plus faible. Un homme d'environ 50 ans, mince, élégant, un peu fané, mais encore très beau, traversa sans se presser la longue allée de fauteuils et vint s'asseoir auprès de la dame en question, qui lui accorda un léger signe de tête sans se déranger dans sa contemplation. « Joli coup d'archet, n'est-ce pas, princesse ?» dit à voix basse le nouveau venu d'un ton négligent. « C'est un inconnu. Ils l'ont tenu sous cloche jusqu'à présent. C'est leur coup d'éclat, et je présume qu'il va avoir le premier prix. » Regardez les figures épanouies de ses juges. Et lui, le pauvre diable, il n'a pas l'air de se douter de l'effet qu'il produit. C'est ce que nous autres diplomates nous appelons l'aplomb de l'innocence. Vous ne dites rien, princesse. Est-ce que vous ne lui trouvez pas de talent? Vos arrêts font loi, vous savez. Voudriez-vous casser celui de cet aéropage? Vous le pouvez à vous toute seule. Il a du talent, dit la princesse en reprenant son lorgnon. Un peu trop théâtral dans la pose, hein? Il est beau. Ces trois mots produisirent un effet singulier sur le diplomate. Il était légèrement incliné sur le bras de son fauteuil, vers la jeune femme. Il se redressa, et se pencha sans affection sur le bras opposé, et lui parla d'un peu plus loin, quoique de cette voix diplomatique et contenue qui sait si bien détacher les paroles tout en les rendant perceptibles pour un seul. « Oui, princesse, il est beau, beau comme Antinous. C'est un jeune demi-dieu, et il a des yeux magnifiques. La femme qui mettra un éclair dans ces yeux-là aura peut-être découvert un filon d'or, mais il y a tant de métaux précieux qui finissent par n'être que du cuivre vulgaire, décoré du nom pompeux d'une composition quelconque. C'est à l'usage qu'on s'en aperçoit quand ils deviennent vieux, répondit la princesse d'une voix brève, en appuyant cruellement sur le mot vieux. Mais son adversaire n'était pas de ceux qu'un mot démente. Il sourit et reprit sur le même ton. Comment va le prince ? Merci, mon cher, toujours la même chose. On lui ordonne les eaux du Caucase. C'est bien loin. Qu'est-ce que cela me fait ? Autant là qu'ailleurs. Et puis c'est du nouveau, le Caucase. Vous aimez le nouveau, n'est-ce pas, princesse ? Elle ne répondait pas. Il continua comme au hasard d'une conversation à bâton rompu. Il a du talent, ce jeune homme. Le connaissez-vous ? La princesse fit un signe de tête négatif et se remit à cligner de l'œil droit. Il s'appelle Demian Markov. D'où le savez-vous ? Fit-elle en se retournant avec une certaine vivacité. Il lui présenta le programme où le nom de Markov en suivait un autre, connu de tous les amateurs par une quantité de concerts, fort patronné par un des professeurs. Elle prit la feuille, la laissa retomber dédaigneusement, si bien que le papier bleu clair alla rouler au pied de l'estrade où il attira le regard de Markov. « Demian, c'est un nom du clergé, » dit-elle presque à haute voix. Le jeune musicien prenait haleine en ce moment pendant une mesure de silence. Ses yeux, attirés par le papier, remontèrent jusqu'au visage de la jeune femme. « Bravo !» dit le diplomate à demi-voix, en applaudissant sans bruit du bout des doigts et en fixant son regard légèrement ironique sur l'exécutant. La princesse avait saisi le mouvement et l'intention. Elle frémit et se pencha en avant. « Bravo !» cria-t-elle à pleine voix, en applaudissant vivement de ses mains nerveuses qui déchirèrent leurs gants. La salle entière, suivant l'usage immémorial et moutonnier de toutes les salles, applaudit à tout rompre. Pâle, ébloui, prêt à chanceler sous le poids d'une émotion qu'il n'avait jamais éprouvée, Demian salua. Mais son regard rencontra les yeux de la princesse, qui applaudissait encore, et c'est à elle que s'adressa ce salut de débutant gauche, timide et charmant. Il reprit aussitôt, mais avec une inspiration différente. Les nuances, si consciencieusement travaillées avec le professeur, s'étaient fondues au feu d'une impétuosité nouvelle. Et il joue à la fin du morceau comme jamais peut-être on ne l'avait joué, mais contrairement à la tradition. « Vous lui faites perdre son premier prix, princesse, » dit le diplomate à la belle voisine. « Vous lui devez une compensation. » Elle jeta un regard moitié flatté, moitié dédaigneux à ce causeur indiscret, et cessa de regarder le débutant. Vainement, il essaya de rencontrer encore ses yeux magnétiques que tant d'autres avaient interrogés avant lui. La princesse, impassible, ne lui accorda plus le moindre coup d'œil, tant qu'il eut à subir d'autres épreuves, et Demian, redevenu maître de lui-même, s'en tira de la façon la plus brillante. Il fut en effet proclamé premier prix. La princesse, qui n'attendait que cela pour partir, se leva et resta un moment, s'offrant au regard du jeune homme qui instinctivement s'était porté sur elle. Il lut mille choses, encouragement d'artiste, sympathie un peu dédaigneuse, admiration pour la beauté matérielle, tant de choses qu'en si peu de temps il ne put parvenir à les déchiffrer toutes. Et puis elle lui tourna le dos lentement et regagna la porte de sortie pendant que les autres noms frappaient vainement l'oreille de la belle indifférente. « C'est pour moi qu'elle était restée, » pensa-t-il en rougissant plus encore de l'hardiesse de sa pensée que de la joie de son premier prix. « Elle croit avoir trouvé une mine d'or vierge, » songea le diplomate en scrutant le visage de Demian, « et peut-être y va-t-elle creuser un abîme sans fond. » « Tu n'as donc pas vu, frère ?» dit Victor à Demian quelques instants après. Quand elle a sorti, il put se cramponner à son bras. « Lorsqu'on t'a proclamé, j'avais le cou tendu vers toi, il me semblait que ma tête allait arriver jusqu'à ta joue pour t'embrasser. « Je ne t'ai pas vu, » dit Demian, un peu honteux, de se souvenir qu'à ce moment il regardait la princesse, une femme dont il ignorait absolument tout.